Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et ce matin, on reçoit le roi des médias, l'incollable de l'actu du PAF, c'est Jean-Marc Morandini. Comment ça va, Jean-Marc? Très bien, bonjour. Bah écoute, ça me fait plaisir parce que pour une fois, c'est moi qui te reçois et pas l'inverse. Ouais, ça change. Parce que j'étais déjà venu plusieurs fois dans l'émission, tout ça, et donc ça, voilà, ça, je suis content. Ça m'a commencé à chaque fois, je t'ai pas trop fait de mal. Ah non, pas du tout, bon, au contraire. Ah non, j'ai toujours été bien accueilli, mon petit verre, ouais. Un petit peu à manger. T'as remarqué qu'ici t'as rien. Hein. Ici y a rien, c'est ouais. Ce que j'allais dire, justement. Ouais, mais c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes moyens. Mais c'est ça, c'est pas pareil. Bon, ça va, t'as fait bon voyage là? Ouais, super. Bon, t'es venu en Belgique aujourd'hui, puisque forcément, diffusé bientôt sur AB3. Ouais, voilà. C'est diffusé d'ailleurs déjà sur AB3. Oui, 18h55 tous les soirs. Alors la grande question que je me pose, c'est est-ce que ça va être une émission française diffusée en Belgique, ou est-ce qu'il va quand même y avoir quelques invités belges de temps en temps du PAB? Des invités belges, on en a de toute façon, puisque vu que vous fournissez beaucoup d'éléments de télé-réalité, donc oui, on va avoir beaucoup d'invités belges. Oui, ça, je vous confirme qu'ils sont là. Il n'y a pas de souci. Non mais je parlais de l'émission française. Voilà, je parlais de vrais invités, tu vois, ceux qui ont un truc forcément à dire et pas ceux qu'on invite juste parce que c'est des. Ah, mais les autres ont beaucoup de conneries à dire. Hein, donc c'est ça le problème. Parfois, c'est ça. Il faut couper au montage en fait. donc rien de prévu dans l'actu, dans l'immédiat en tout cas. Non, il n'y aura pas de spécificité belge sauf s'il se passe de grands événements ici en Belgique qui ont des retentissements en France. Il y a une émission qui fait parler en France, bien évidemment, on en parlera, mais ça reste l'émission originale telle qu'elle est diffusée en France sur Direct 8 à la base. D'accord, ok. Donc pour ceux qui connaissent, parce qu'il y en a qui peuvent le recevoir aussi via le satellite, donc ça va être diffusé maintenant c'est diffusé maintenant sur AB3 à 18h55. On va te faire un petit quiz des animateurs belges pour voir si effectivement. Oh mais t'inquiète pas, on a pris du lourd. Alors Jean-Michel Zeka. Oui. Ça te parle? Ah oui, ça me parle, oui. Ça te parle, tu connais ou ça me parle, il a débuté en France sur France 2, il a fait un jeu sur France 2. Ouais. Et puis là, en ce moment, il est sur TMC. Ouais, c'est ça. Et donc finalement, effectivement, c'est une grande star en Belgique puisqu'il travaille sur RTL TVI. Italien, a priori. Donc ça, je le découvre en même temps que toi. Je savais même pas qu'il était. Même si Zeka, évidemment, il pouvait difficilement être polonais. Ouais, Zeka, c'est quand même. Ça laisse quand même quelques indices. C'est vrai. Donc il a présenté. Il présente l'adaptation belge de Fort Boyard. Ouais. C'est pour ta culture. Hein. C'est gentil, Jonathan. Voilà. Mais je t'en prie, écoute, y a pas de problème. Quand tu vois Zeka, son émission sur TMC. Voilà, c'est ça. Alors, donc, ensuite, il y a, qu'est-ce qu'on peut dire également comme grande star? Après Jean-Michel Zeka, Thomas Van Ham. Très bien, comment va-t-il depuis le temps? Eh ben écoute, il a transfugé d'RTBF à RTL, donc ouais. Là, il va plutôt bien. Je pense qu'au niveau pognon, je pense qu'il va bien. D'accord, j'étais très inquiet pour lui, hein, mais je suis content d'avoir cette nouvelle. T'inquiète. Je crois qu'il a pris de très bonnes vacances. Oui, il a pris de très très bonnes vacances, effectivement. Alors, un que tu dois certainement connaître, évidemment, Jean Barbera. Tu connais pas Jean Barbera? Non. C'est pas vrai. Non, tu fais pas d'effort. Non, Jean Barbera, c'est une star. Avec McDoom et McGloire. Oui, bien sûr. Et il y avait un belge dedans. D'accord, c'est lui. Voilà. D'accord. Bon, c'est pour ça que je te demandais si tu comptais recevoir des gens qui ont de l'actu, quoi. Des gens qui ont de l'actu. Ou qui sont top de l'actu, en fait. Voilà, ou pas que des gens où tu vas dire, c'est encore un belge. Ah, regardez, quand on vous dit, c'est pas ça, mais bon, il y a un moment, vous faites exprès aussi. Pourtant, non, on fait pas exprès, promis, c'est vrai. Barbara Louis. Connais pas non plus. Il va s'y faire. Je vais y faire, il va falloir que je m'adapte. Mais bien sûr, tu vas t'y faire. Alors, c'est une animatrice belge, la RTBF. Voilà. Elle aussi. Eh ben, écoute, a priori, de dernière nouvelle, elle va plutôt bien. Ouais, bon, elle a perdu Thomas Van Ham parce qu'en fait, il était en duo. Donc maintenant, elle se sent un peu seule. Donc si tu veux remplacer. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est très mignonne. Elle est mignonne. Mickaël, beaucoup moins enthousiaste. Elle est mignonne. Je suis moins difficile. Ouais, mais lui, il prend n'importe quoi. Je suis plus dans le chien, donc. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, n'importe quoi, même à Klebs, il arrive, il dit oh, mais il est mignon, hein. Tu sais les coquères avec les longs cheveux là, c'est merveilleux aussi. Je veux lui faire sa fête, il y a pas de problème. Et alors Sandrine Corman. Ah bah oui, Sandrine Corman, oui bien sûr. Corman. On dit Corman. Non, Corman. Oui mais on parle les Belges et qu'il y a un moment, faut quand même respecter un petit peu le. C'est vrai. Tu es de l'autre côté de la frontière, donc je dis Corman. Voilà. D'accord. Voilà, Sandrine Corman, exactement. Oui. Donc elle, tu l'as déjà reçue dans l'émission. Elle est plutôt sympa, elle en plus. Elle est très gentille, oui, tout à fait. Ouais. Et ça va, bon délire avec elle aussi. Écoute, oui, ça va. Très bien. Une actu en particulier en France? Parce que bon, je t'avoue qu'effectivement, nous on la suit en Belgique, en France évidemment, sur notre chaîne. Qui plus est, qui n'est pas diffusée en Belgique, donc forcément on a un peu de mal à la suivre, quoi. Non, mais écoute, pour l'instant elle est plutôt au repos, on va dire. Elle se repose. De grandes aventures. Elle a quand même été Miss Belgique. Elle a été Miss Belgique. En 1997. Comme quoi, vous avez du goût. Parce qu'elle est très jolie. Oui, enfin on a eu des tons aussi quand même. Hein, donc. Faut pas non plus, tu vois. Mais il faut le dire. J'ai cru qu'il disait ça par rapport à l'actuelle Miss France. Mais... Non, elle est pas mal, l'actuelle Miss France. Non. Oh, ça va, et t'es un peu chauvin, t'es un peu chauvin, toi. Non, mais je l'ai reçue, l'actuelle Miss France, elle est jolie. Non, elle est jolie. C'est Miss France quand même, tu vois, c'est pas non, mais. Enfin, maintenant, on sait même plus très bien qui est Miss France, qui est pas Miss France. Est-ce que c'est nationale, est-ce que c'est Miss, je sais pas quoi. Finalement, ce qu'on reconnaît, c'est la dame au chapeau, c'est Geneviève de Fontenay. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la seule, t'es. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Jean-Marc Morandini qui est toujours avec nous, qui est venu aujourd'hui pour. Bah, il est pas venu en tant qu'ami, hein, ça. Il est venu pour faire sa promo, hein. J'étais pas invité avant, ouais. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. Fallait m'inviter plus tôt. Moi, je veux bien venir un week-end faire la fête ici. Cela dit, sur la radio où j'étais avant, je t'avais invité, pourtant on était pas loin et. C'est vrai, mais c'est parce que c'est beaucoup mieux cette fois. Oui, radio-là, c'est pour ça. T'as vu quel professionnel un peu quand même. C'est ça, on est plus détendu. C'est pour ça que t'es parti de l'autre d'ailleurs. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Bon, changer de sujet là, je sais pas, je le sens. Ah non, pas du tout, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Non, t'inquiète pas. Hein. Bon, est-ce que tu peux nous donner un petit scoop avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, que tu sens qui va se passer, que ce soit dans le PAF ou dans le PAB, hein, c'est-à-dire le paysage audiovisuel français ou belge? Non, ce que je peux te dire, c'est qu'en France, en tout cas, cette saison sera énormément marquée par la télé-réalité. Oui, ça c'est sûr. On pensait que ça allait s'arrêter, mais il y en a à toutes les sauces, toutes les chaînes, que ce soit TF1 ou M6, tout le monde va faire des tonnes de télé-réalité. Ou même France 2, c'est de la télé-réalité bidon qui intéresse personne. Donc, ça sert à rien. Ça vaut même pas la peine d'en parler. Quoi. Non, mais enfin, il a raison, c'est juste que 12 ans après, le service public français s'est dit oh, tiens. Il y a un pic avec quelque chose. C'est ça, on va vous expliquer. Bon, les télé-réalités de France 2, la prochaine, c'est comment vivre sans électricité, par exemple. C'est passionnant. Enfin, moi, je pense bien. Je savais pas ce que c'était, mais je savais qu'ils allaient en faire. Ouais, ça a l'air vachement bien. Hein. Ouais, c'est un peu ça les concepts. Du coup, du côté d'M6, c'est un peu plus sympa. On va avoir, par exemple, un espèce de secret story dans un bus où des couples vont vivre enfermés dans un bus. Ah, c'est bon. Il va falloir les éliminer les uns après les autres. Il va y avoir un patron qui va aller espionner ses employés masqués et déguisés. Ah oui, mais ça, il le faisait déjà sur une chaîne américaine. Ça existe aux États-Unis. Ça s'appelle Undercover Boss. Ouais, c'est ça. Sur CBS. Et donc, c'est énorme. Voilà, il y a la version française qui va arriver. Donc voilà, la télé-réalité sera vraiment très présente cette saison. Et puis il va y avoir un bachelor avec des moches. Top, vas-y, mec. Tu peux pas le rencarder. Non, c'est en fait une bachelorette qui va choisir parmi des moches. C'est donc, parfait, c'est nickel. Parfait, j'y vais. Tu peux pas le rencarder, non? Ouais, je peux essayer. On peut essayer de faire quelque chose. Vas-y, je suis sûr que je peux y arriver. Physiquement, il a sa place. Ouais, je pense qu'il a des qualités pour ça. Merci. Non, mais voilà, c'est nickel. Vas-y, regarde-moi sur le karting, j'y vais. Je le fais. Bon, bah, très bien, voilà le bachelorette pour toi, tiens. Ça tira comme un gant. Mais la meuf, elle est. La meuf, c'est une bombe. Ah oui, c'est une bombe, d'accord. Ah, oui. La meuf, c'est une bombe, en fait, et elle a défini à la production ses critères de sélection. Elle explique ce qu'elle veut, mais la production n'a reconnu que les critères psychologiques et pas les critères physiques. D'accord. Donc, en fait, tous les moches répondent parfaitement aux critères psychologiques, mais pas physiques. Et au milieu de l'émission, ils vont faire arriver 10 bombes, 10 mecs qui sont super beaux, mais qui n'ont pas du tout les critères intellectuels qu'elle souhaitait. D'accord. Et donc il va leur choisir finalement entre le physique et le côté intellectuel ou pas. D'accord, ok, t'as tes chances. Hein. On verra si c'est la beauté intérieure qui triomphe. Ouais, bon, en général c'est rarement le cas. Hein. Et ceux qui le disent sont des menteurs en général. Mais enfin bon, après moi je dis ça, hein. C'est comme ça. Donc c'est tout. Donc télé-réalité à fond sur la télé-réalité. Télé-réalité à fond, oui. Tout d'accord. À fait. Secret Story qui reviendra déjà l'été prochain, on le sait. Donc je pense qu'on aura quelques Belges là-dedans, puisqu'en général on en a toujours deux ou trois. Oui, on a toujours quatre ou cinq. Deux, trois spécimens. Ouais. Moi ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours les Mongolies. Pardon, on m'a dit qu'il fallait pas que je dise ça. Toujours les débiles. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont sélectionnés en même temps. Ouais, mais d'accord, mais bon, c'est vraiment. Les Français qui sont dedans sont pas les plus fins non plus. Hein. C'est pas faux. Il y avait un vivier dans le Nord, ils se sont dit si on remonte un peu, on doit pouvoir trouver pire. Qui parle français en tout cas. Ouais, voilà. Parce qu'après, ça devient un petit peu compliqué, effectivement. Bon, ben Jean-Marc, très bien. En tout cas, la prochaine fois que tu nous dis, nous on passe. Hein, parce avec plaisir. Dans ces petits fours qui nous manquent. Ouais, je trouve aussi. Parce que quand on pensait dans ton émission, il y a toujours les petits fours. Oui, c'est sur la maquilleuse qui était là, qui dit ah, je vais vous faire ça, bonjour, comment ça va? Tu vois, on était bien accueillis, c'était cool. Là, il y a pas de maquilleuse, il y a pas de petits fours. Radio. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça les budgets, c'est pas les mêmes. Mais ouais, exactement. En plus, toi, ils ont doublé le volume du plateau, donc. Bah oui, c'est grand hein, cette année. C'est bien. Le plateau est beau, l'émission est sympa. On a énormément d'invités. Il y a plus de public. Cécile est toujours là, donc c'est parfait. Cécile est toujours là. Il y a Stevie Boulet aussi, ça, moi, qui ça est avec nous. Ça, il est moins excitant. Ah non, mais il a bien évolué quand même. Ah oui. Il y a Karine Ferry. Oui, ça par contre, ça c'est bien aussi. Tu vois. C'est pour ça que tu vois la fois passée, je suis venu tout seul quand il y avait Cécile. Bon, toi, t'es un peu la gueule. Ouais. Mais non, là, maintenant qu'il y a Karine, je viendrai. Voilà, très joli. Carré. Très joli. Toujours célibataire. Oui, mais, bah, ça faut lui demander en fait. Mais top, c'est physique. Hein. Ouais, je sais bien, mais tu sais peut-être que la beauté intérieure va triompher. Ouais, mais c'est ce qu'on se dit. Il y a un moment, je crois que c'est pas possible. Bon, en tout cas, bah, bonne chance pour l'émission sur AB3, 18h55. Donc, ouais. Bon, merci Jean-Marc, bonne journée. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là. Eh ben, écoute, avec plaisir. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Ah, il est encore là. Eh ouais, il est encore là, Maître Ping, hein. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Alors, je préférerais qu'il évite de revenir. C'est oui, bah moi aussi. Maître Ping, le restaurateur chinois d'à côté, là, qui est là ce matin pour trouver un nouveau fournisseur de chiens, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a une détente dans l'entrepôt du fournisseur à Paris. Du coup, des plus de tiens pour la cuisine. Et vous voulez qu'on appelle où maintenant? Parce que tout à l'heure, on a appelé à Ussini et le mec avait l'air plutôt ouvert pour vous donner du chien. Bien sûr, il était très très ouvert, c'est très gentil, très cordial. 100 euros du kilo de tiens. Bon, je fais le deuxième de la liste que vous m'avez donné. Oui, t'as le deuxième de la liste. Non, mais je vais pas appeler à Fleury de Fou. Mais si, t'es une ville comme une autre. Hein, même si t'as fait un peu nom de croquette pour tiens. Oui, ça c'est sûr. Bon, allez, c'est bon, ça que tu l'as choisi alors. En fait. Bah oui, c'est ça. Allez, on y va, Maître Ping. Oui, allons-y. Oui. Alors, puis on aura les infos. En retard, hein, Julien. Un peu. Pas du tout. Non, vite fait. C'est pratiquement 8 heures là. Mais non. Peut-être que ça va pas décrocher. C'est possible, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Allez, encore une petite sonnerie, ou deux. Oui, allô. Bonjour, madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je suis restaurateur. Voilà, je vous appelle parce qu'a priori, vous faites élevage de chien. Ah non, on fait pas de chien. Ah, vous faites quoi, vous? Élevage de chat. T'es bon, t'es bon, vous avez quoi comme tas? Bah, on a des British Shorter. Bien sûr. Et vous les vendez combien? On les vend à 450. 450, et t'as pète combien à peu près? Attendez, un petit instant. Oui, bien sûr. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Maître Ping à l'appareil. Voilà, en fait, je vous appelle parce que voilà, j'étais pénurie de chats et de chiens, et a priori, vous faites élevage de chats. C'est pour faire. Le chaton, hein, ça vaut 500 ou 600 euros le chaton. D'accord, mais le taton, mais je peux les faire grossir? Oui, mais on ne vend pas pour ça. Ah bon? Mais téléphonez à la SPA, la Louvière. Oui, mais non, parce que toi là, ils sont malades, ils ont des maladies, ça ne m'intéresse pas. Après, oui, le client, il est malade, il te plaint. Non. Beaucoup, hein, là. Ça, t'es pas possible. Je suis content de vous avoir au téléphone. Non, mais t'es pas possible. Moi, tu peux pas faire avec des chats de la SPA. Ah, ouais, moi, je veux des bons chats, des chats qui ont été bien élevés, bien nourris. Sinon, après, le client, il est malade. Oui, non, pour ça, on ne vend pas de chats pour ça. Oui, mais tu ne vous le dis pas, vous n'en tapez rien. Non, mais même, ils ont la puce électronique et on ne les vend pas pour ça. Bien sûr, mais je garderai la puce, pas problème. Pas problème. Non. Vous savez, nous, on a l'habitude avec les puces, hein, vous savez. Oui, je m'en doute. Bon. Désolé, non. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, salut. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Tu raccroches pas? Bah, je peux pas, moi. Tout d'abord. Pourquoi tu peux pas raccrocher? Parce que mon téléphone, il est cassé. Il n'y a pas de touche, je raccroche. Ah, c'est emmerdant, ça. Bah, oui, c'est ça. Parce que si tu vous raccroches pas, alors moi, je raccroche pas. Ah ouais, ça va te coûter cher alors, communication, si je raccroche pas. Non, t'es pas grave, j'ai carte illimitée, pas de problème. Ouais. Ah bon, on reste comme ça alors. D'accord, pas de problème. Ouais, allez, salut. Hein. Oui, allez, au revoir. Au revoir. Oui, Et ben voilà, ça y est. Bon, Maître Ping, à tout à l'heure. Oui, bien sûr. On essaiera de rappeler. Hein. Oui, bien sûr, pas de problème. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio.